you value your sanity, don't go in the house. If you believe in evil, don't go in the house. Oh, God! Because the people who live there aren't people anymore. Poser mes rimes, sa mère, les gens m'ont trop déçu, je fais tout pour moi, ça m'aide, j'attends plus rien de personne, je suis solitaire, ok, je suis dépressif, bah ouais, écoute mes disques, tu sauras qui je suis, j'aspire à un esprit sain dans un corps meurtri, tous les jours, j'avance, j'utilise chaque rime en guise de pansement, je veux de la scène, je veux du monde et la scène, du bon son, pour ça que déchire le cahier, le rap, c'est les smicards, les transports, pas les cayennes, trop de mecs, rap pour la thune, après tout, chacun son but, mais l'argent transforme les gens, pour ça que des points deviennent des putes, mode de vie, à la speed, on oublie de donner de l'amour à nos proches, les feuilles de mon bloc. Notes vont par terre en automne, c'est une nouvelle saison, je repars à zéro. Je laisse tout derrière moi, mon passé enfermé sous cello. Notre terre pleure les erreurs de notre espèce, victime de la consommation, victime de nous-mêmes, prisonniers des temps modernes. Nouvelle saison après longue absence, j'ai ressorti le stylo, je me sens seul, comme au milieu du désert. Attends, j'en place une à tous les mecs qui nous soutiennent. On se défonce tranquillement, les poches sous nos yeux en disent long. On est pâle comme un cachet, jeunesse anesthésiée par le pilon et par toutes sortes de drogues, lâchez tout ça les mecs. Levez les mains, c'est mon concert, c'est le chant de la révolte. J'irai cracher sur l'état, mais j'ai trop rappé, j'ai plus de salive. Mon cœur bat au rythme de la batterie, parfois je me dis pour partir à zéro, tout détruire, tout construire à notre façon. Parce que tout n'est pas beau comme des notes de piano, parce que Vénus est en grève, parce qu'au fond notre vie en l'air. Je veux pas faire cliché, mais je naisse en manque de repères. Parce que le peu de thune que j'ai va dans mon foie, mes poumons, le réservoir de ma caisse. Je veux repartir à zéro, mais je suis trop attaché au peu que j'ai. Yeah, rien ne nous appartient, c'est la seule vérité.